the sky traffic. Et on vous souhaite un bon moment. Merci beaucoup. Bon, on commence en douceur, ça va monter progressivement, mais on compte sur vous pour ça. On aimerait vous sentir très près, très proche. N'hésitez pas à passer le rang des chaises pour vous avancer vers nous, ça va être d'autant plus chaud. Merci à vous. Approchez-vous, merci. Thank you. Thank you. ça va? Ça va le son? On a notre ingénieur du son qui est à la batterie ce soir. En l'occurrence, monsieur Yann. Thank you. Merci pour Radiohead. Mais venez vraiment, c'est un supplice là. Approchez-vous s'il vous plaît, on a vraiment besoin de vous approcher. Les amis, avec nous. Thank you. Juliette au chant, s'il vous plaît. Accompagné de Cynthia. Oh, ça sent la surprise. Thank you. c'était une petite chanson de Mathieu Chédid. Et voici maintenant Amy Winehouse. Maintenant, Gérald Auchan et à la guitare avec Femme Bouffe. Et tout le reste. Numbers crunching on the wall. On a des problèmes. Thank you. Merci. Yann à la batterie, voici Mitch à la guitare. Thank you. cul qui monte, qui monte. Les cuivres, il s'appelle Jérémy, à la trompette. Et Jean-Marc au sax. Au chant Juliette et Cynthia. Merci, moi c'est Gérald et nous sommes en Sky Traffic et on vous remercie beaucoup. Merci. Gérald, à la guitare. Le chant et la guitare, s'il vous plaît, Gérald. Alors merci d'être venu. Merci d'être resté. Alors on va enchaîner tout de suite avec un... Ah, j'ai entendu. On entend pas bien. Une... Non, je sais pas, j'ai entendu quoi. C'est pas très clair. Ouais, ça fait plaisir, on y va. Une petite dernière. Après, on laisse la place à la Team Jazz. Okay.